New York Movie, daté de 1939. Cette peinture à l'huile sur toile est conservée aujourd'hui au Museum of Modern Art de New York. Les dimensions de l'œuvre, 80 cm par 1 mètre, suggèrent celles d'un grand écran de télévision. Nous sommes au fond d'une salle de cinéma. De notre place, nous voyons à droite l'ouvreuse en bas d'un escalier attendant le spectateur et à gauche les rangées de fauteuils avec au fond l'écran. Hopper joue sur le double regard, ceux qui regardent le film et ceux qui regardent le tableau. Hopper attire l'attention sur l'ouvreuse en la plaçant en premier plan sous une lumière électrique orangée. Elle est adossée au mur. Elle est blonde, jolie, et son corps svelte est souligné par son uniforme bleu marine. Elle semble s'ennuyer. À gauche, le décor de la salle de cinéma aux sculptures de carton de pâte donne une impression étouffante. La salle, presque vide, est plongée dans l'obscurité. Seuls deux spectateurs isolés sont présents face à un écran qui nous est en partie masqué. L'histoire n'est pas sur l'écran, mais dans la salle. Derrière le rideau. En exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, le poète surréaliste André Breton découvre New York Movie, exposé au Museum of Modern Art de New York. L'ouvreuse du tableau de Hopper, absorbée dans ses pensées devant des rideaux entrouverts, incite Breton à rapprocher New York Movie du cerveau de l'enfant de Giorgio de Chirico, la peinture pour lui la plus précieuse parmi celles qu'il a été contraint d'abandonner à Paris. Il décrit « La très belle jeune femme perdue dans son rêve, à l'écart de ce qui se déroule de grisant pour les autres. » Par ce rapprochement, l'œuvre de Hopper échappe au réalisme qui apparaissait jusque-là comme le dernier mot de son art. Elle se trouve investie d'une dimension surréaliste, appelée à une postérité durable. La solitude méditative des personnages de Hopper fait écho à la mélancolie inspiratrice de l'œuvre du peintre italien. Le cerveau de l'enfant. Le cerveau de l'enfant de Giorgio de Chirico a pour André Breton valeur de talisman. Les rideaux, au premier plan du tableau, sont pour lui annonciateurs de l'ère nouvelle qui s'ouvre après la Première Guerre mondiale. Les yeux clos du personnage renvoient à ce modèle intérieur en lequel se résumera bientôt le premier surréalisme. Les rideaux de New York Movie annoncent pour André Breton, en 1939, les nouveaux bouleversements à venir de façon imminente. Une allégorie de la mélancolie. L'ambiance mélancolique des tableaux de Hopper les rapproche des vues urbaines métaphysiques peintes par Giorgio de Chirico à la fin des années 1910. La pose que donne Hopper à l'ouvreuse de New York Movie, le bras replié sous le menton, est celle que l'iconographie traditionnelle attribue aux allégories de la mélancolie. Hopper et de Chirico partagent un même attrait pour les ombres démesurées que dessine le soleil matinal ou crépusculaire. L'un comme l'autre sont adeptes de déformations perspectivistes qui donnent à leur construction une stabilité problématique, troublant notre perception, nous conduisant à nous interroger sur la place que le peintre nous assigne. Faut-il attribuer aux seules lois du hasard les apparitions récurrentes des locomotives dans les tableaux des deux peintres ? Le cheval mécanique avait été célébré par les futuristes comme le symbole d'un âge où la machine et la technique se substituaient à l'ancien ordre humain. Pour signifier cette mutation dont il ressentait la violence, De Chirico avait, à partir de 1914, peuplé ses tableaux de mannequins qui disaient cette déshumanisation. En 1927, Hopper peignit lui Automate, la représentation d'une cliente de ces restaurants nouvellement créés à New York, où la nourriture était délivrée par des distributeurs automatisés.